Et moi j'ai dans la tête comme un grand vaisseau blanc. Les nuits de tempête, il est là sous le vent. Je le vois en rêve et il craque et se tend. Et les vagues furieuses, comme une chevelure, s'enroulent, se déroulent depuis l'obscurité. Tes mains fines et habiles tirent sur les haubans. Et ton corps étincelle, mon beau vaisseau d'argent. Quand le ciel se craquelle de ses grands éclairs blancs, l'ouragan est très fort, l'effort doit être grand. Il est là dans mon cœur tous les jours de printemps, quand la peine est dehors et la joie au-dedans, ruisselant de lumière au soleil, océan. Quand la peine est dehors et la joie au-dedans, et l'eau porte ton corps comme un grand goéland, et ta force est immense, ta joie tout autant. Et ton corps qui vibre dans le soleil levant, se dresse en équilibre, monte et puis redescend. La joie est sans mélange, aussi l'ange est devant. Mais quand viennent les brumes et quand on n'y voit rien, que des feux s'allument, mais qu'ils sont bien trop loin, l'amour est en danger. Il suffit d'un rocher. Dans ma tête, tu erres au milieu de la nuit. J'ai le cœur qui se serre, j'ai trop soif de vie. Juste un peu vieilli, mais je saurai l'aimer encore, amour, mamie. Quand le ciel s'est lavé, il faut se reposer. Et moi j'ai dans la tête comme un grand vaisseau blanc. Les nuits de tempête, il est là sous le vent.